yes, just a band, minor threat, just a band, the Cure, we're just a band, the Smiths, just a band, Nirvana, just a band, the Pixies, just a band, Oasis, just a band, Radiohead, just a band, Block Party, just a band, the Arctic Monkeys, just a band, the next big thing, just a band, thou shalt give equal worth to tragedies that occur in non-English speaking countries as to those that occur in English speaking countries. Thou shalt remember that guns, bitches and bling were never part of the four elements and never will be. Thou shalt not make repetitive generic music, thou shalt not make repetitive generic music, thou shalt not make repetitive generic music, thou shalt not make repetitive generic music, thou shalt not pimp my riot, thou shalt not scream if you want to go faster, thou shalt not move to the sound of the wickedness, thou shalt not make some noise for Detroit. When I say hey, thou shalt not say ho, when I say him, thou shalt not say hop, when I say he, say she, say we, say make some noise, kill me. Ah, I forgot where I was. Hang on. Thou shalt not quote me happy, thou shalt not shake it like a Polaroid picture, thou shalt not wish your girlfriend was a freak like me, thou shalt spell the word Phoenix, P-H-E-O-N-I-X, not P-H-O-E-N-I-X, regardless of what the Oxford English Dictionary tells you. Thou shalt not express your shock at the fact that Sharon got off with Brad at a club last night by saying, is it? Thou shalt think for yourselves, and thou shalt always... Thou shalt always kill. J'ai monté trop haut. J'ai le cœur sur le bord de la glosette. Qu'est-ce qui se passe? Ça va jamais très bien au début d'une émission. C'est comme l'artiste avant de monter sur scène. Il ne veut point. Puis là, c'est son impresario qui le tire vers le public. Lui, il veut pas. Il a peur. Il dit, je vais me rendre ridicule devant mon public. La salle est presque pleine, presque bondée. C'est un grand, grand, grand positif. Les 12 personnes dans une salle de 350 places, ils vont m'applaudir. Là, il fait son entrée. Tu vois, perdu. Là, lui, il se dit, je suis comme au Madison Square Garden. Madison Square Garden. C'est une salle de spectacle. Même, je crois que c'est une salle de sport. Il va y avoir du sport. Il va va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. Je m'excuse infiniment pour mon retard. Ah oui, ça va, ça va. Non. Non, il faut expliquer au public. Ne point les laisser dans l'ignorance afin de leur montrer quel être fragile je suis. Oui, je suis comme vous, public. Tête en l'air, pieds en bas, cheveux au vent et bouche greffée à la tête. Là. Puis en haut, moi, c'est les yeux. Puis en haut des yeux, c'est sourcils. Puis après ça, c'est les... comment ça s'appelle? Les facettes. Non, ça, c'est sur les côtés. Ah, moi, j'ai deux grosses facettes. Oh, touffu au max. Là. Comme on les aime, hein? Ah, oh, les facettes touffues. Oh. Là, mais mon but, là, c'est d'être beaucoup plus volumineux au niveau de la facette. C'est pas une facette qu'on appelle, c'est des rigodons. Des rigodons, ben oui, regarde l'autre. Non, c'est des... Attends un petit peu, là. Il va y avoir du sport. C'est pas ça, c'est des... Favoris! Je l'avais placé, hein? J'ai pris mon moteur de recherche. Je l'ai placé dans mes favoris. Favoris dans mes favoris. Et quand j'arrive sur la page, pouf, ça touffe qui m'arrive. Ah, oh, ça me chatouille le nez, j'éternue. Moi qui suis allergique à pas grand-chose. Quand je vois mon spécialiste, là, mon allaire fou, là. Ah, il a l'air fou. Les yeux ébouriffés. Heureusement que c'est un spécialiste des allergies parce que il fait peur. Tu le regardes, il est là devant toi. Vous avez, monsieur, vous avez. Ben, j'ai des allergies. Oui, monsieur. Donnez-moi votre posologie. Je vais la reconstituer pour moi et j'irai vous rencontrer lorsque j'aurai pris la même chose que vous. Ça, on va être sur le même. Hein? Comme la chanteuse Diane, on va être sur la même longueur d'onde. J'ai pas les moyens financiers, OK. Je ne suis qu'un simple prolétaire, oui, OK. Vous êtes un spécialiste, donc vous savez... Bon, non, mais vous n'êtes pas si bien payé que ça, hein? Je vais vous raconter, mon cher monsieur spécialiste. Médecins, tous les médecins, les infirmières, les avocats, les notaires, que si vous vous comparez à des sportifs, vous avez une bagatelle. Là, on va prendre quelques secondes pour calculer ça. T'as-tu ton crayon, ma petite Rita? Ben, je l'avais perdu hier. Oui. Et je ne l'ai pas retrouvé depuis. Depuis? Oh! Puisez donc vers le bas, là. Et moi, c'est toujours... Ouais. Dites-moi pas ça, là. Ça me résonne dans le cervelet. Je vais prendre mon propre crayon. On va prendre, par exemple, un joueur de hockey. Parce que notre sport national ici au Québec, c'est le... Oui, le ridicule, mais c'est pas un sport. Est-ce que c'est devenu un sport national, le ridicule? Arrête-toi. Elle dégouline, elle-là. Épongez-la, elle va se noyer. On finira jamais l'émission avec ça. Puis on devrait avoir un genre de trou, là, une rigole pour. Ça monte, ça, là. C'est plus des larmes, c'est rendu un torrent. Alors là, on va prendre. Ah ouais, il est pauvre, je trouve les ridicules. Et non, il faut pas que les gens se rendent compte qu'il y a en avant de nous une alerte. Une alerte à la blonde, ça je le dis souvent, mais surtout devant elle, là, il suffirait juste de dire bonjour, puis c'est parti. Très bon public, ça. Ah, l'émission, là, c'est pourri, là, à l'os, là, à voir. En fait, je pense que elle se fout de ma gueule. Comme tout le monde dit. Ah non, prenez votre crayon, madame mère. OK, prenez ça en note. Un joueur de hockey, c'est notre sport national. Moi, c'est le yo-yo, là. Savez-vous pourquoi? Il y a des hauts, il y a des bas, Elle ne comprend pas. Mime ça. Hey, Marceau, mime ça. Non, regarde-moi ça. Non, pas Sophie. Non, le mime Marceau. Il l'a cassé. Ben, il est en mille morceaux. On va essayer. Peux-tu le rapiécir? Arrête. Hey, vas-tu lâcher ça, toi, le sourire, puis les pleurs, puis... C'est même pas drôle, cette émission-là, depuis le début, là. C'est du lamentable. C'est de l'humour... C'est ça. C'est de l'humour lamentable. Puis là, pour Philippe Bertrand, sa dernière, de quoi ai-je l'air? Bien, surtout lui, pauvre ami que j'adore. L'homme de radio! l'homme au langage des plus exceptionnels, aux phrases les plus ciselées et au ton radiophonique qui se place parmi le rang. Troisième rang à droite, là, c'est chez Thérèse. Thérèse et son petit-fils, là, Lionel, là, il a fait, ben oui, je sais, il n'a pas encore neigé, mais il se prépare. Je sais pas, là, il fait du sport, lui. On va y avoir du sport. Hey, vas-tu arrêter avec ça, toi? Oui, il se pratique à pelleter. Il n'y a pas de neige, il pelte. Je pense qu'il va devenir philosophe. Quand tu es philosophe, tu peltes. Tu peltes des idées, tu peltes des réflexions, tu peltes pour faire des sillons, pour faire des chemins, pour éclaircir l'horizon des individus qui trouvent très noir le fait de réfléchir. Non, on préfère ramasser des vieilles idées. Là. Oh. La Terre tourne. Elle tourne. Elle tourne vers le bas, elle tourne vers le haut. Ça tourne. Oh. Et j'ai pris du pinot blanc la semaine dernière. Je me suis levé le lendemain. Ça tournait. La terre tourne. Elle tourne et ça perd la terre. Elle tourne et se fout bien la misère. Elle tourne et ne jamais chimérique. Je l'aime, celle-là, vous le savez, hein. Elle tourne et on appelle ça la musique. À l'époque, c'était vrai, le 33 tours. Tu le voyais tourner. Aujourd'hui, le CD, ça tourne pas, puis le MP3, c'est encore pire. C'est l'anéantissement de la musicalité, surtout du visuel de la musique. Hey, tu pouvais devenir hypnotisé par l'album de Sheila. Exemple, vous placiez sur votre platine. Chez nous, on appelait ça un pick-up. Hey, un pick-up. Tu ouvrais, OK? Il y avait un petit clip, tu l'ouvrais. Et là, tu voyais le tourne-disque, tu plaçais ton album de Sheila, ton 33 tours de Sheila, ton vinyle. Et là, tu levais le bras, tu plaçais l'aiguille sur le disque. Mais il fallait synthoniser 33 tours parce que 78 tours, ça faisait... La chanson pouvait durer 2 minutes et demie quand en réalité... Elle durait 6-7 minutes. Par exemple, Blaze the Sunshine. Blaze the Sunshine, I know. Monsieur, les paroles allaient rapides. Là, tu places ça à 33. 16 tours, je crois, on avait le droit à 16 tours. Ben là, c'était merveilleux. Tu vivais dans un monde tout à fait surréaliste avant même que le surréalisme apparaisse. Ben, c'est pas vrai, c'était le surréalisme. Ah, lâche-moi ça, toi, là, t'es pas le dictionnaire. Quoique, ma femme me souligne très souvent que je suis épais. Oh, elle a un peu raison. Ah, merci beaucoup. Et là, pourquoi Rénal Gagné est en retard? Oui, ça va. Non. Mais avant, on va faire le bilan financier d'un joueur de hockey, si ça ne vous dérange pas. Oui, je suis la ligne médiane de mon émission. C'est merveilleux jusqu'à présent. Un spécialiste pour le cœur, un cardiologue, gagne 20 fois moins cher qu'un joueur de hockey. Et le cardiologue a fait des études extrêmement poussées, là, tellement qu'il était dans le fond de la connaissance. On l'a amené dans les bas-fonds de la structure cardiaque. Tandis que le joueur de hockey, là, et le but! Après le match. J'ai eu la rondelle 2 fois pendant la partie. J'ai été plaqué par un malin fort, mais les 5 ans, aïe! Bon, bravo! Et la semaine prochaine, allez-vous faire mieux? Ben, pourriez-vous dire, excusez-moi, mon français, c'est pas très bon, moi, je suis né au Québec. Pourriez-vous-tu dire à mon entraîneur de me faire moins travailler dans les coins? parce que tout le monde sait que je suis un dur à cuire et je sens le brûler. Fais de l'humour, moi. J'écoute l'émission Flatulence Maranienne. C'est quoi, Eril? C'est quoi? La radio. Comino. À quel... Ouais, à Edmonton, je l'ai écouté, c'est quoi, Eril? Ça parlait en anglais, 89.1. Là, mon entraîneur m'a dit, c'est pas Squirrel, c'est Edmonton, malade! J'ai dit, c'est quoi ça? D'abord, c'est pas Squirrel, c'est 89.1. J'ai dit, oui, mais c'est pas parce que c'est 89.1 que c'est Squirrel sur toute la planète! Comprenez rien, oui. Hein? Okay. Ah, excusez-moi. Non, j'ai joué, j'étais sur un fil conducteur d'électrochoc. Oui, c'est tout à... ouais, madame, c'est tout à fait choquant, vous avez entièrement. Alors, mon retard est dû, cher public. Oui, je viens d'arriver. Je ne sais pas quand. Ah oui, ça va, ben, oui, non. Arrêtez de dire ça, vous, là. Parce que hier, j'ai prêté mon hélicoptère à Madonna, puisque le sien, c'est pas son motivateur, c'est son élévateur à hélice. Quoique, ça y en prend, il en prend trois depuis quelque temps. Elle a à peine engraissé. Elle a mangé du tofu à volonté. Et ça gonfle le tofu, hein? Oh mon doux Seigneur! Mais ça fait des championnes, la preuve, là. Puis là, elle pouvait pas mettre de l'essence dans son hélicoptère puisqu'elle avait pas reçu son chèque d'attristance sociale. Elle a appelé Rénal, son ami, quoi qu'on ait déjà eu une histoire ensemble. Personne, aucun média en a parlé parce que je n'ai pas voulu que ça sorte. Oui. Là, Madonna m'appelle. Attends un petit peu. Oui. Oui, Madonna m'appelle. Fait que moi, je réponds. Oui, c'est Madonna, hein? Je réponds de même, moi. Surtout quand on me réveille. Fait que là, Madonna me dit, ah, Rénal, j'ai un problème technique, pas d'argent, hélicoptère. Terre, pluie à terre, foie de l'argent pour élever tout ça, puis grand spectacle demain, blablabla. Je comprenais pas trop, elle était dans une méga fête, je n'étais même pas invité, il y avait l'intellectuelle, là, Paris Hilton. Ah oui, elle prépare un doctorat, là. Oh, mais c'est encore secret, je peux pas dévoiler, là. Et puis, il y avait qui, donc? Il y avait, ah oui, il y avait la belle, comment tu l'appelles, donc, Doudou Labibou. Non, Doudou Labibou, Doudou. Chana, pas, c'est pas Chana Wayne, c'est, comment qu'elle s'appelle, l'autre, Dada, la baba au rhum, non? Eh, monsieur, celle qui est presque dans le même clan que Madonna, là. Pas Zaza Gabor. Non. Quoique Zaza est invitée, mais elle est arrivée en retard, elle aussi. Son mari. Son sixième mari, là. Elle avait oublié de la réveiller. Ah, mon Dieu. Comment l'autre, ça, non, on ne sait pas. On s'en fout éperdument. Mais donc, parce que j'ai prêté mon hélicoptère à Madonna, elle n'a pas pu me la ramener à temps. Donc, pour vous, mesdames et messieurs, j'ai pris mon sous-marin pour atteindre les berges de la ville de Québec, parce que j'étais, bien sûr, en tournée à Jalaise. Verset 3, chapitre 2. La Jalaise tombera et Agnès s'élèvera. Alors là, c'est le temps de dire « Qui sème la route, broute l'échec. » Ça n'a pas de sens, ben oui. Pas parce que vous en comprenez. Si vous manquez de boussole, madame, là, c'est pas de ma faute, moi, là. Pas de ma faute. Instruisez-vous. Élevez-vous. Monsieur le Président, je cherche encore la fille là, qui est dans le même créneau que Madonna. Là, c'est Dada, Baba, Lala, Dada, Baba, Papa. Lady Gaga! Je l'ai trouvé! Lady Gaga! C'était pas loin, hein? Et là, j'essayais de faire une introspection. Non, c'est quoi? Une régression. Je suis rendu à 2 mois et demi. Quoique, ça ressemble un peu au personnage, hein? Et puis là, les gens ont une rapidité incroyable pour me dire « Tu es une fille intelligente? » Ah, ben oui, ah oui, ah oui, ah oui. J'en doute pas. Tout est dans ses cheveux. Monsieur le Président, c'est pour ça qu'elle se tient avec Madonna. Les deux, ça s'embrasse. Puis l'autre, Britney Spears, ça s'embrasse à trois. C'est merveilleux. prochainement sur vos écrans. En 3D. Ou en... Non. Triple C. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone d'errance rénaldienne. Non, mais ça me tracassait dans le fond de la... dans le noyau. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à errance rénaldienne. Aujourd'hui, le vendredi 16 novembre 2012, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'homme de radio, Philippe Bertrand. Philippe Bertrand, auteur et animateur de radio et de télévision, est le producteur et l'animateur de l'émission Carnet de campagne sur France Inter. Né à Dijon, diplômé en philosophie, Philippe Bertrand est entré à Radio France en 85. Il travaille en 1985. Quoique, si vous voulez, non. Pas avant ça, Radio France, la radio est née en 1900 quelques, avant la télévision, bien sûr. Entre le morse et la radio. Hey, on capte. C'est un début de la radio, ça. Ah, c'est de la musique expérimentale. Donc, né à Dijon, diplômé en philosophie, Philippe Bertrand est entré à Radio France en 85. Il travaille sur les stations locales de Bourgogne et de Provence, puis arrive sur France Inter en 1996. Le micro se déplace. Je ne suis plus dans le cadre. Un voyage chargé. Non, non. En juillet de. Non. Hein, mais monsieur. C'est ça? C'est une prise électronique. OK. C'est une prise USB. USB, D, F, G, L, N, P, P, U, L, D, T, E, P, le Mi. Un voyage chargé pour cette nuit estivale, automnale. Faut-il s'arrêter ici? Non, c'est fini l'estival. Oui, madame. Les feuilles rougissent, jaunissent. Tombèrent à volonté sur un gazon prêt à les accueillir. Le vent souffla du nord, histoire de réveiller le citoyen qui ramassa ses couleurs enchantées pour que la neige puisse tomber sans embrasser ce que l'arbre a laissé tomber. Hey, c'est beau, merci. C'est de la poésie sur demande. Alors, un gros trois petits bisous. Et deux, trois petits bisous. J'ai tout dit, là. Je suis épuisé. Qu'on m'arrête ici, qu'on me passe la menotte et qu'on me fasse jouer de la ritournelle pour que nerfs et cellules au repos reprennent vie après cette plage sonore qui n'est pas propulsée par ma bouche. C'est bon, on comprend rien, mais c'est bon. We'll be right back. Un jour, j'ai appris, j'étais en fin de contrat de l'éducation nationale, j'ai appris qu'un poste libérait, enfin des postes se libéraient à Radio France, ça s'appelait Radio France Dijon-Bourgogne, à Dijon, chez moi. Et donc j'y suis allé. Et ça a commencé comme ça. Et voilà, ça fait un certain nombre d'années. Alors si tu te retrouves à Paris, c'est simplement dû à ton travail, sinon tu... Non, je voulais travailler à Paris. Okay. C'est-à-dire que le travail dans les locales est un travail très limité. Okay. C'est très régional. La liberté, la marge de manœuvre, il y a de moins en moins de création d'émissions. Et pour moi, oui, l'avènement, c'est France Inter. J'avais fait des remplacements l'été, je venais à France Inter. Et je repartais dans la Provence où je travaillais. Et puis un jour, voilà, il y a un directeur qui est nommé, que je connaissais, okay. Et qui me dit « Philippe, vous venez cet été, mais vous restez à la rentrée. » Ben, je dis « Oui, d'accord, très bien. » Mais si vous j'arrive à, là, en 96, j'ai 38 ans, je suis plus déjà un jeuneau. Okay. Et je suis là depuis 96. Ah, mais c'est beau, c'est excellent. Puis vous vous renouvelez, et les projets, est-ce qu'ils viennent de vous? Oui. Oui. OK. Sauf... Ils proviennent de moi, ou alors on va te proposer un créneau, une généralité, puis après à toi de travailler, dire si tu es d'accord, si okay. Tu te sens bien là-dessus. Et c'est toi qui montes le projet, c'est ouais. Ça? Okay. Ouais. Alors, on va t'amener une idée et toi tu montes un projet là-dessus. Donc absolument. Un projet qui te ressemble. Absolument. Ok, à ton profil. Absolument. Okay. À chaque année, c'est comme ça. Oui. Puis l'émission que tu fais actuellement, elle est renouvelée à l'année ouais. Prochaine. Ouais? Oui. Okay. Mais ça, c'est quand même assez absurde dans la mesure où à chaque fois que tu fais une émission, tu ne sais pas si l'année suivante... Non, puis je ne sais pas d'abord si moi j'aurais envie de continuer. Ah, okay. Pour l'instant, j'ai envie de continuer. Et bizarrement, mon petit quart d'heure, okay. Ça fait... On termine la 6e saison. Oui, oui, oui. On a un excellent auditoire. On a quasiment 1,5 million d'auditeurs. C'est une tranche horaire assez extraordinaire. Et on a le plus d'auditeurs de toutes les radios de France. Ouais. Oh. Et les gens s'y retrouvent. Et maintenant, je suis estampillé, mais tant mieux. Mais je suis estampillé, monsieur, développement territorial. Donc on m'appelle pour des colloques, des conférences, okay. Des trucs comme ça. Je dis, mais attendez, moi, je ne suis pas un expert. Je ne suis qu'un passeur. Okay. Voilà. Mais alors, je donne le micro à... Oui, exactement. Mais c'est pas de la fausse modestie, c'est de la juste mesure par rapport à mon travail. Okay. Je ne suis pas un professionnel de la chose. Je un artisan. Oui, oui, un artisan et un passeur, vraiment. Moi, j'aime bien ce mot de passeur, même s'il est un peu prétentieux. Non. Mais tu fais le relais. Okay. Voilà. Tu n'es pas donneur de leçons. Non. Sauf qu'à un moment donné, politiquement, j'ai quand même mes idées. Et il y a des points de vue. De toute façon, l'émission a des points de vue. Aujourd'hui, je me trouve plus en correspondance avec ce qui se passe politiquement en France que sur les 5 dernières années. Ouais. Que je n'ai comme absolument... pas supporté dans tous les sens du terme. Okay. Mais c'est toi maintenant avec le nouveau gouvernement, on a un ministère de l'économie sociale et solidaire. Ça fait 6 ans que je défends l'économie sociale et solidaire, qui est un ministère aujourd'hui en tant que tel, c'est une vraie reconnaissance. Et c'est très bien que ça se fasse. Okay. Okay. Et plein de choses comme ça qui, effectivement, font que oui, je me reconnais là. Je suis bien là. Okay. sure. She won't do what she ought. She never lies, but then again she lies down all day long. Oh, my wife is better than. She's generous and mean. She's not a secret safe with me. Oh, my wife is old and young, so sweet with a poison tongue. On her evenings off, she blackmails coffee, but a secret safe with me. Yeah. Oh, my wife is tall and short. She hangs out down the port. Says, hello, sailor. Thank you. J'avais oublié. Dans ma tête, je croyais qu'il ne fallait que souffler. Ben voyons. Il fallait pas faire de bruit avec la bouche. Mais hey, c'est un diapason. Non, c'est un transistor. En tout cas, c'est une petite pitoune. En parlant de petite pitoune, ils vont me tuer. Oh, je suis déjà mort. Ça fait 6 fois cette semaine qu'on m'a pilé dessus avec un véhicule tout-terrain qu'on appelle un rouleau à pâte. Un rouleau tout-terrain. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est ma charmante colocataire. Alicia. C'est bien beau être jeune, ces petites filles-là, mais ça t'accueille quand même comme leurs arrière-grand-mères. Ben là, tu leur remontes un peu loin, leur grand-mère. Ben non, Alicia a 19 ans. Donc, sa mère en a 37, arrière-grand-mère peut-être 50, arrière-grand-mère, 79, 80, arrière-grand-mère, hein? Ah, arrière-grand-mère, il y avait que tes enfants. Et puis, donc, l'arrière-grand-mère, elle nous accueille comme son arrière-grand-mère. J'arrive un peu tard. Vous savez, après une émission d'errance rénaldienne, je m'en vais m'épivarder dans les ruelles de Québec. Trouvant un peu d'amour, cherchant d'amour. Cherchant l'amour, c'est m'aimer comme moi je m'aime. Comme disait Claude Meunier, je suis nymphomane de moi. Aimer l'amour, c'est m'aimer comme moi je m'aime. Non, j'ai rien de coincé, madame, c'est normal, c'est ma voix de soprano. Soprano mineur. Donc, la police va venir me chercher dans la troisième ruelle à droite dans quelques secondes. On recherche les mineurs, là, hein? Le do mineur, non, c'est le ré mineur. Le ré mineur, où est le ré mineur? Et derrière, le dé mineur. Ah, mon Dieu, ça va exploser. Rita. C'est mes amours. C'est aimé comme moi, je m'aime. Non, j'ai rien derrière moi. Oui, je baisse la tête. Oui, j'irai à chaque dimanche à l'église. Manger mon hostie. Prendre mon chapelet. Boire de l'eau bénite. Mais c'est pas très propre, boire de l'eau bénite, monsieur le curé. Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le monde s'est trempé le doigt là-dedans. Et à quel endroit les citoyens sont mis le doigt avant de le placer dans l'eau bénite, je ne le sais point. On peut pas faire une enquête judiciaire après pour chaque citoyen qui va tremper sa main dans l'eau bénite. Il doit avoir du microbe. Ça flotte, ça se noie, ça. Je m'imagine là, un peu comme dans une piscine municipale. Imaginez-vous toutes les cochonneries qui peut se loger dans cette eau-là. Ah! Heureusement qu'elle est bénite, hein? Il faudrait... Ah oui, on va se renseigner. Ouais. OK, on va se renseigner à monsieur le vicaire. Comment? Vicaire? Comment? Non, ça, c'est Macaire. Ça, non, c'est une autre affaire. Macaire, lui, c'est le chien de quelle famille, là? Mais moi, c'est le vicaire. Regarde ça dans les pages blanches, là. Vicaire, dans l'annulaire. L'annulaire. L'air de rien, là, tu vas trouver. Là. Ferme tes yeux, ouvre la bouche. Ferme tes yeux, ouvre la bouche, tu verras, ça ira mieux. Ouvre ta bouche, ferme tes yeux. Puis, là, as-tu le vicaire? La sainteté, qui? Non, c'est pas une sainteté, là, c'est un vicaire. Voyons donc, toi, enlève quelques saints. Bon, OK, c'est vicaire Tremblay. On va parler vicaire Tremblay. Signal, toi, là. T'as juste ça à faire, signal. Tu l'as devant toi, le numéro. Là. Signal, hein, oui. Ça va bien, vous autres? Ah, moi, ça va très, très bien. C'est frais un peu, hein? Je vous demanderais, là, si vous sortez à l'extérieur, là, mettez des gants, un petit chapeau, un foulard, là. Ménagez votre gorge. Vous toussez depuis hier, puis ça m'inquiète beaucoup. Tu finis de signaler, toi? Ah, il fait tellement beau. Sortez à l'extérieur après l'émission. Là. Ah, prendre un peu d'air. Si vous avez une galerie, ouvrez la porte. C'est frais, ça fait rentrer l'air. Tu signales, toi, là, OK, ça sonne. Ouvre-moi le micro de ben, en tout cas, la traque. la fissure. Ouvre-moi la fissure. Hein? C'est ça. On a le vicaire. Monsieur le vicaire! Oh, est-ce qu'on vous réveille, monsieur le vicaire? Oh! On aime ça réveiller le monde, disons. À 1h10 le matin, il est... Oh, qu'est-ce que vous faisiez, monsieur le vicaire? Vous dormiez? Ah! Là, on voudrait se renseigner, monsieur. Vous êtes dans la sainteté, vous? Mais pas trop, hein? C'est juste le pied dedans et à l'extérieur. C'est en plein dans le milieu. Enfin, je présume, là, je suis pas dans le... OK, bon. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce qu'on veut que je me trempe le doigt dans l'eau bénite. Main. Hein? Non, excuse-moi, j'étais tilté dans le main, oui. Ah oui, excusez-moi. Hey, voyons, monsieur, et si je le trempe, là, puis je fais analyser ces gouttelettes, que vais-je y trouver? Parce que je me rappelle, vous fréquentez pas les bars, hein? Ah oui! Oh, monsieur, vous êtes d'avant-garde, hein? C'est un vrai, on aime ça. Oh, aimez-vous ça prendre une petite bière? Une bière bénite. Ben, monsieur, la sainteté 3, avec 25% d'alcool. Moi, je rajoute un peu de... c'est toujours bon, là, du lait, là, vous faites fouetter ça, puis... Allez, votre fou aime ça, ça malaxe. Puis, en tout cas, ça, c'est une petite recette extrêmement privée, là. Si vous êtes malade, ben vous serez malade. OK. Alors, si je... En goûtant mes doigts... Non, il faudrait pas boire ça, d'eau bénite. Est-ce que c'est buvable, ça, là? Ah oui! Quoique, pris dans le désert de Sarah, là, un bon samedi après-midi, là... La porte barrée, puis capable de sortir, pas de fenêtre, rien, là. Une bonne bouteille d'eau bénite. On n'a pas le choix, c'est soit mourir ou boire de l'eau bénite. Alors, tant qu'à se ramasser les cendres de l'intérieur, je parle pas de l'autre, là, mais hein? Mieux vaut boire un peu d'eau bénite. Ben, mais est-ce que c'est légal, ça? On fait pas de... Comment t'appelles ça? Non, on fait pas de Marjorie noire, là? Non, Marjorie est pas noire. Non. Ben, en tout cas, la mienne, celle que je connais, elle est blanche. Elle est blanche et blonde. Blonde et blanche. Les yeux bleus. Puis quand elle se passe la... Hein? Pardon? Oh, oui, elle se passe des fois le doigt dans... Vous savez, les paupières. Ben oui. Quand elle se frotte la paupière, là, puis qu'elle se retire le doigt, puis elle s'ouvre les yeux, elle a les yeux rouges. Donc, c'est une blonde aux yeux rouges. Ah, c'est comme une extraterrestre. Ah, OK. Mais ici, j'analyse, madame, monsieur. Vous êtes un monsieur ou une madame? Un monsieur, hein? Aujourd'hui, on ne connaît même plus les sexes. Un vicaire, madame, ça n'existe pas. Une vicresse, une vicaire. OK. En analysant tout ça, là, on peut-tu trouver quelque chose d'assez épouvantable? Puis la télévision s'agripperait de cette situation-là pour en faire un reportage et salir la réputation de tout ce qu'on aime dans la religion que l'on a adoptée, parce que, enfin, par force, parce que moi, quand j'étais petit, on m'a jamais dit « tu vas être... » Alors, à un moment donné, je me suis réveillé. À un moment donné, là, j'avais quoi? 47, 48? Mais non, je ne suis même pas passé par là. 37, 36, 22, 50, 27, 12, 8 ans, 9 ans. En tout cas, je me suis réveillé un jour. Je me suis rendormi. Ah, oh, j'étais fatigué de me réveiller. Non, mais c'est lassant à la longue, là. À force de se lasser, hein, on se l'allonge. Puis moi, plus je m'allonge, là... Plus j'ai le goût de prendre un petit café. T'en vois venir, hein? D'allonger. Un expresso, OK. Vous avez le doigt. Merci de votre... Vous n'avez pas été au service de mon émission, mais peu importe. À quoi bon faire cette émission si on ne sort... Non, coupe-moi ça, la ligne. Là. Non, hey, on ne payera pas de longue distance pour ça, là. Ça, c'est juste... Ça s'est dit... Ouais. Hey, accouche. Il est peut-être enceint. Attendez. Êtes-vous enceint, monsieur, là? Oh! Appelez-le Rénal si c'est un gars. Puis Rénaldine, si c'est une femme. Une fille. Est-ce que c'est la fille va se transformer en femme? Ah, c'est bon. C'est dans la règle, hein? Bon. À quoi bon faire cette émission si on ne s'en reprend? Un garçon, ça reste un garçon. Une fille, ça devient une femme. Bon. Femme, oh femme, une femme. Non. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est déjà fait. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier rénal gagné. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. On est pressé par le temps. On peut pas être pressé par le poulet parce que déjà lui, il est déjà il est dans le pressé. On y va. Excusez-moi. La phrase de Bukowski, c'est « Bon, j'ai sauté de mon lit de mort. Je suis sorti de l'hôpital municipal et j'ai trouvé un boulot d'expéditionnaire. » Est-ce qu'il savait pas, mon Charles? C'est que son boulot des on va le dire, les nerfs expéditionnaires, en air. Hein? Ça prend des nerfs pour expédier du courrier, là, puis surtout zigzaguer à travers les voitures. Lui, dans sa tête, parfait! Voiture incluse, essence inclus, chauffeur, ce sera moi, j'ai mon permis de conduire encore, valide! Quoique je suis un peu invalide, là, parce que ça fait 3 semaines que j'étais avec ma belle Rita, là, puis la belle Rita, ça faisait du bien. Hein? C'était enfermé dans un scaphandre pour un. Donc on était deux dans un. On dit que l'union unit. L'union unit. Les nuits étaient très, très, très comblées, même les jours. Les jours, les nuits, les matins, là, c'était amour par-dessus amour. On s'est aimé. Plus qu'une nuit. On s'est aimé. On a fait avec nous les plus beaux des voyages. On s'est aimé. Une hirondelle a fait notre bonheur parce qu'on l'a vu voler puis on s'est dit, hey, normalement, ça rentre, ça, une hirondelle. Là, ma douce me dit, je pense que t'es un petit peu au-delà du réel. Mais voyons donc, je suis dans l'existence la plus totale. Là. Regarde bien mes doigts. Tu vois un doigt et tu vois l'autre doigt. Un doigt plus un doigt, ça fait? Ça fait bizarre, oui, mais ça fait ardoise. OK, au doigt. Oui, je fonds. Oui, mon amour, j'irai avec toi au doigt et à l'œil. Mais il faut pas aller de doigt à l'œil, et de l'œil au doigt. Hein? Quand tu as été dans l'œil, il faut rester dans le doigt. C'est comme ça. Non, c'est selon les règles. Si on dit qu'il y a des bacmeries, chanteurs de mer, puis moi, comme disait Renaud, c'est pas moi la mer, c'est moi l'homme, ta-da-dum. C'est moi qui a compris, c'était ce vendredi. Tu peux partir sans gag, tu peux virer jaune, je vais avec toi dans mon beau ciré jaune. Away, or heaven for all to see. I see you, and the road is. up and dodge. You may die by day, you won't forget me. Not saving men and more dreams. They see me as a friend, so I know him. See, but I never heard by your mouth. A stare is worth a thousand funny phrases. See how stupid you are. I dare you. Mon projet n'est. Je sais pas ce que l'avenir dira. Mon projet, c'est de gagner l'auto, de retaper ma maison de province, en Bourgogne. Tu te procures des billets de loterie? Ouais. C'est pas un gag? C'est pas une blague? Non. Ok. Bah oui. Hein? Parce que j'ai beaucoup de frais. Ok. Et de créer un lieu, de créer des emplois, un centre culturel, des chambres d'hôtes, des tables d'hôtes. Oui, oui, oui. J'ai déposé des projets. J'ai un projet de festival. Mais oui, ça m'intéresse. Surtout dans ta région. Oui. Okay. Ça m'intéresse plus que toute autre chose. OK. Pour revamper un peu la région. Oui. Oui, et apporter quelque chose de qui n'existe pas. Il n'y a plus de culture. Il y a un patrimoine fabuleux. Il y a un cadre génial. Il y a des personnes que tu peux aider aussi. C'est pas, je ne suis pas Robin des Bois, je n'ai pas ces moyens-là. Toi. Ouais. Mais si au moins je peux apporter quelque chose, oui, ça je le ferai. Ton petit grain de sable. Ah oui. Ah oui. J'ai 10 questions ouais. Et j'aimerais savoir vers où on va aller dans ces questions-là. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Le vin. Lequel? Alors ça c'est une bonne question, c'est plus précis. Je ne suis pas un grand connaisseur bien que bourguignon. Bah, je te dirais un Chablis, un blanc okay. Chablis. Ok. Ouais. Pour. Parce que ça reste. C'est assez vaste comme production. C'est assez peu connu encore. Ok. J'ai une vraie qualité, c'est de la proximité. Et on pourra trouver partout. Quasiment, oui, oui. Okay. Même au Québec? Peut-être, j'espère. Ok, je ferai ma recherche. Ouais. Et, ouais. Chablis. C'est bien. Si tu étais une ville. Ah ben. À Dijon. Ben oui. À Dijon? Ouais. Ok, pourquoi? Parce que c'est une ville qui s'est bonifiée. François Rebsamen, qui est le maire depuis 8 ou 9 ans, l'a transformée. Tu sais, c'est une ville qui était. Qui avait l'avantage d'être située assez proche de l'Allemagne et de la Suisse. Ok. Mais il n'y avait pas énormément de voies de communication. Et le train, c'était le gag, le train, c'était 3 minutes d'arrêt à Dijon. Aujourd'hui, tu as des espaces culturels. T'as un centre culturel phénoménal, génial. Le centre-ville a été rénové, il est magnifique. C'est les petites villes de province où il fait bon vivre. Vraiment. C'est ce que tu souhaites un peu pour ton oui. Petit... Oui. Oui. Si tu étais une langue... Je vais faire chauvin le français. Et j'irai après le brésilien. Ok. Pour son côté chantant, mais c'est un peu. Mais français, oui. Oui, français. Écoutes-tu de la musique brésilienne? Oui. Ok. Et française un peu moins? Jazz. Oh, jazz, oui, oui. Jazz. Oui, jazz. Ah, ouais, c'est. Si tu étais un mot. Un mot. Il y a tellement. Tendresse. Oui, c'est ce qui manque aussi. Ouais. Et il y a une chanson de Madame Jubry qui la chante avec, comment ça s'appelle? C'est Pauline Julien, notre chanteuse québécoise. Oui. que je connais. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse. Mmh. C'est très joli. Oui, oui. Ah, ok, tu la connais? Oui, oui. Ah. We're going down to the chicken. けに来てくれるのかい。俺をここから連れ出そうとしてくれたら最高だけど、いつかハイウェイ走ってみせるぜ。自然の中でヤッホー、時が来ればどうせ棺桶の中に入っちまうんだ。ちっちゃい穴、ちっちゃい穴、小さい穴、俺が開ける小さい穴、糸シャの穴、糸の穴、ちっちゃい穴、ちっちゃい穴、小さい穴、キプに開ける小さい穴、穴、穴、穴、穴、穴、穴、穴、穴、穴、穴、穴、ちっちゃい穴、ちっちゃい穴、小さい穴、俺が開ける小さい穴。 Lunettes fumées avec des forteresses sur les côtés pour empêcher les squins. Vous comprendrez ce que veut dire les squins, pas besoin de faire un dessin. Quoique de l'aquarelle. Mais moi, je préfère la gouache. M'en va-t-il, pourquoi la gouache? Je m'en vais te dire, m'en va te dire, je m'en vais te dire, je m'en vais te dire comment je vais mentionner l'image de... M'en va te... m'en va, mon manie va trop vite, m'en va, mon moulin va trop bas, trop bas, trop bas, le beau, le beau, le beau, le beau, le beau, le beau, le beau, le beau, lunettes fumées avec des forteresses sur les côtés pour empêcher les squins. Vous comprendrez ce que je veux dire par squin, parce que là, si je vous l'explique, mon bobo, mon bobo, mon beau-frère, mon bobo, bobo, bobo, bobo, bobo, bobo, bobo, mon bobo, mon bobo, bobo, mon bobo, bobo, bobo, bobo, bobo, mon bobo, mon bobo, mon bobo, bobo, mon bobo, mon bobo, bobo, bobo, bobo. Oui, ok, bobo. Si je continue, bobo sur mon visage. Ok. Quoi? Paralysie du visage. Coup de poing. Jusqu'à ce que se boucle cette bouche. OK. À force d'enflure. Il en manque dedans. Quoique si en dedans de ma gorge se loge une dent de ma personne, risque moi, Rénal Gagné, de mourir sur le champ. Et comme il n'y a pas de champ devant moi, que du plancher flottant. Oui, là, ça me donne mal au cœur, ce plancher flottant. Est-ce que je fais ce plancher flottant, là? J'ai voulu les racoler, là, l'aise par l'aise. L'aise. Puis là, le fabricant m'a dit, sens-toi à l'aise, décoller comme tu veux, mon petit champion. Mais l'aise par l'aise. Plus tu vas les coller l'aise par l'aise, moins ils vont flotter. Mais là, tu fais ça comme tu veux, toi. Fonctionne à la sensation. À la sensation. À la sensation. C'est ça. Si tu ne sens pas la sensation, c'est ça, tu n'auras pas ton plancher flottant à ton goût. Parce que c'est comme un diapason. Disons. Disons un diapason. Faut que tu trouves ton rythme sur ton plancher flottant. Si t'es un peu comme Philippe... hey, dis pas, oui. Non, je voulais dire Plastique Bertrand. Oh, Philippe Bertrand, c'est pas la même chose. Non, ben, ah, peut-être que Philippe a chanté. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, Plastique Bertrand. C'est pas pour moi. Ouh, c'est pas pour moi. Pour Philippe, c'est pas pour moi, je le massacre. C'est pas pour moi, Philippe, oh, pas pour moi, Bertrand. C'est quoi, Bertrand, qui s'appelle? Plastique Bertrand, oh. Alors, la flottaison du plancher, ça cote sur la compréhension que tu as de l'introduction, de la fabrication, de la structure, du bois et du plancher sur lequel tu vas apposer ce que tu t'es acheté, mon petit champion. Okay, moi, qui pas le fabricant. Non, moi, je fabrique rien, moi. Ah, j'ai de la misère moi-même à... Ouais, à me construire. Imagine-toi donc. Mon médecin m'a dit, hey, mon petit rien, toi, hey, j'ai dit, ça commence bien. Mais non, ça commence par un rien. Hein. Tout commence toujours par un rien. Le Big Bang! Hey, monsieur, penses-tu que le Big Bang est arrivé comme ça? Poum! Non. Ça a commencé par une granule. Une cellule. Dans mon cas, j'essaie, Gaétan, j'en ai plus dans une cellule. C'est comme un plancher flottant, mais beaucoup trop espacé. Là, je me cale dans les fentes. Excusez-moi d'avoir eu tout d'un temps. C'est l'émotion qui purjute. Je vais m'inonder. C'est pas le moment là, de purjuter et d'amener au public une certaine tristesse. C'est une émission. C'est écrit sur ton... T'as-tu le pamphlet? Oui, oui. J'ai le pamphlet paroissial. C'est indiqué, là. Si vous avez des cartes, écrivez-moi. Vas-y, je m'articule. Vas-y, Hercule, articule. Toute la force est dans mes cheveux. Et mes tifs, tu l'as dit tout à l'heure. Mais comment j'avais appelé ça là, au début d'émission, là? C'est tif, c'est des rigoles. Oui, toi, t'as des rigoles. Parce que quand on doit, on se met à rire. On se dit, regarde-moi, c'est un clown. C'est un clown. Enchaîne! Ben oui, c'est ça, j'essaie de trouver la chanson. Clown. Hein, monsieur. C'est nous pas fragile. Non, pas celle-là. Mais bref, si vous voulez avoir la carte de l'errance rénaldienne, écrivez-moi à Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, @commercial.com. Avec le courriel, je vais vous envoyer une carte cybernétique. C'est pas une vraie carte, mais si vous m'envoyez votre adresse, j'irai pas frapper à votre porte. Ça risque d'être la GRC. On va défoncer. Hein. Il nous a donné son adresse. C'est un malade. Là. Il veut correspondre avec Rénal Gagné, Rance Renadien. Il va ouvrir, je te dis. On est patients. Hey, l'escouade est en arrière. Il y a trois voitures. Non, c'est trois camions avec 18 gars dans chaque camion. Ouais. Hey, il a peur. Il se dit, oh, j'ai envoyé un courriel à Rénal Gagné. Je croyais que, ben oui, hey, c'était un piège. On va y prendre toutes les malades, on va y rassembler dans un panier à salade. Des malades dans un panier à salade, qu'est-ce que ça fait? Ça fait chou! Ah oui! Cogne. Ça me stresse. Ben, il va être dans le RC, là, mais quand ça répond pas. Hey, la police montée, démontez donc, puis. Frappez donc à la porte avec moi, là. Il va ouvrir le sacré. Hein? Le sacripant? T'allais pas dire ça? Non, mais je pouvais pas parce que je fais partie de la RC. L'exagéré. Ah ouais, ouvre-moi ça. Mais s'il n'est pas là, ben il peut pas. Hey, voyons, il est quelle heure? Il est 1h23 s'il n'est pas là. S'il n'est pas là, 1h23, il fait du conjugal, non, des propos conjugaux illégaux. Il était, ouais, il est marié, lui, normalement. On a fait une recherche. Ah ouais, ouvre ça. Toi. On devrait l'annoncer. Okay. As-tu ton haut-parleur? Ton haut-parleur? Il parle. On va y parler. As-tu ton opéré pour y parler? Hein? On va l'opérer. Et on connaît ça, on va le faire. Monsieur, on vous demanderait d'ouvrir la porte. Vous avez envoyé un courriel à Rénal Gagné. C'est un piège. Rénal est dans une maison de repos, là. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Sinon, on défonce. Il est 1h24, on n'a pas peur de défoncer, nous autres. L'émission dure souvent 2h03, on défonce, hein? Hey, on défonce pas à peu près. Allez, ouvrez la porte. Sinon... Ouais, arrête de dire sinon. Mais sinon, on n'a pas de vocabulaire, nous autres, on est de la... Ouais, c'est ça. On n'a pas de formation universitaire. Ouvrez la porte. Oui, arrive en arrière, toi. 1, 2, 3, 4. Mesure exprès pour moi avec des brillants sur le côté. Regarde mon beau char, puis regarde ma peignure. Regarde pas de l'autre bord, puis regarde moi l'allure. Regarde mes petites rocs, puis regarde mes gros sous. Regarde mes culottes, puis regarde un style fou. Qui se promène sa rue là-bas avec la tête comme un dessous de bras. Je vais te passer sur le corps si je me lève pas du bon bord. Si tu étais un aliment. Si j'étais un aliment. C'est difficile parce qu'un aliment seul, tu as besoin de condiments, de préparer. J'ai des conneries. Le steak tartare. Oh, ben oui, c'est cru. Donc, c'est bien. C'est... Si tu étais une saison. L'automne. Pourquoi? Automne égale moins de monde partout. Okay. Automne égale couleur. Les couleurs de chez vous, qu'on retrouve aussi, ces rouges orangés, la forêt qui prend des couleurs, l'arrière-saison, les couchers de soleil qui ne sont pas les mêmes. Il ne fait pas encore trop froid. Un miel, voilà. C'est le miel. Mais là, on est presque à l'automne. Ouais. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. C'est basique, mais un sexe. Ok, ouais. Ah ouais, ouais. Ouais. Mais pourquoi? Parce que sans sexe, la vie n'a aucun sens. Enfin, ouais. Mais il y a l'esprit et le sexe. Enfin, Oui, effectivement. Si tu étais un moment de la journée. La tombée de la nuit. Okay. La tombée de la nuit. Entre chien et loup. Est-ce que tu l'examines souvent ou ouais. Si t'es couché à cette heure-là? Non. Okay. Non. Je ne sais jamais. Non. Okay. Que ce soit l'été ou comme l'hiver, c'est le coucher de soleil. Okay. Et on est dans le miel aussi. Okay. Parce que moi je suis un travailleur de nuit, donc je ne le vois jamais. Ouais. Okay. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Qui j'aurais aimé être? Paul McCartney. Ah oui? Et vous? Ouais, pas mal. McCartney. Ok, t'es beaucoup plus McCartney que Lennon. Eh ben oui, par la force des choses. Tu Jésus, il était encore jeune, il porta sa croix sur sa petite épaule, quand il savait ses leçons.

qui vivront jusqu'à la dernière. On se remplit comme des portes de pierre, et toujours les dents les fonds des chiottes. On se dégueule encore sur les potes. À la pression en boîte en canette, on boit, on fait des ronds et on pète. Ça fait mal à la tête le lendemain, mais on va remettre ça sans fin. Ça me rend amoureux. Et puis ça me réveille la queue. Mais si jamais j'ai trop abusé, y'a rien à faire, le pas bon. Hein? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait de moi, la guerre? La guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Et en vivant mon avant-dernière, avant-dernière, avant qu'on me rende ma dernière, vite, je veux recevoir l'extrême onction. Un grand coup de malt et de houblon. La bière, la bière, la bière, la bière, la bière, la bière. Qu'est-ce qu'elle a fait de moi, la bière? La bière, la bière, la bière. C'est comme si c'était mon frère. La bière. Alors, il y a beaucoup d'images qui viennent tout de suite. Reynald est un habitué internaute, il est épicier à Québec. Et voilà, il envoie un message qui s'intitule « Mon Robert ». Sous les robes poétiques et le rock, aussi folk que sa génétique, Robert, le grand Robert, fait feu de tout bois, l'incontournable Charlebois. Il reste dans le petit Robert, j'espère. Parce qu'au départ, je trouvais Lennon plus juste, plus intello, plus fin, plus critique. Et j'aime beaucoup McCartney, c'est un compositeur génial. Encore aujourd'hui ? Oui. Et j'ai lu pas mal de bio, je suis très Beatles. Bon, Beatles, c'est ma vie, en dehors du jazz. Et j'ai trouvé... finalement, je préfère le côté très people, très... un peu surfait, mais malgré tout, un peu artisan encore, ça existe. Je pense, hein. Je peux me tromper complètement. Moi, la seule personne que je n'ai pas interviewée, que j'aurais voulu interviewer, il y en a plein que je n'ai pas interviewé, mais c'est McCartney. Et j'ai découvert que l'intellectualisme de Lennon était réel. C'est quelqu'un qui souffrait d'un ego énorme. Alors que McCartney, il a tout. Donc son ego ne souffre pas. Et que finalement, je trouve, d'une certaine manière... Plus authentique. Ou, bah, presque, tu vois. Je trouve que... Et je suis fan de Lennon aussi. Que Lennon a, en dehors de Yoko Ono, tout ce qu'on a dit, bouffé par Yoko Ono, Lennon voulait vivre simplement, mais il vivait, il pouvait être faussement simple, alors que McCartney est simplement riche, voilà, son truc. Il est riche, il peut faire ce qu'il veut, il peut péter dans un micro et dire c'est génial, il peut faire un oratorio, il écrit toujours pas la musique, on va trouver ça génial, mais... Ouais, je sais pas. Oui, je me sens plus proche de ça, finalement. Mais puis même sur ton mur Facebook, on voit que c'est un... Ouais. Ah oui. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Oui. Bah oui, j'ai même pas à choisir. Okay. Oui. Ah oui. En amour, non, mais en travail, oui. Oui, oui. Ah oui, oui, je me plains de rien, je ne regrette rien. Puis le travail te compte? Il me satisfait. Il me satisfait, ce qui est déjà bien. Ah oui. Ah oui. Non, vraiment, j'ai pas regretté. J'ai des amis de la profession, des vrais amis dans la vie, ce qui est le plus important. Jamais je me suis senti en porte-à-faux par rapport à ce que je faisais. bagnole aujourd'hui, c'est la femme qui conduit. Le monsieur roule les yeux de veau pendant qu'elle pilote son auto. Il a l'air très embêté, assis à ses côtés. Et quand elle serre les freins, il sert autre chose sans entrain. Il lui faut du courage lorsqu'elle prend ses virages. Quand moi, j'en vois une belle au coin d'un bois qui fond sur moi vivement. Je ne me fâche pas, mais galamment, je lui fais pouette pouette, elle me fait pouette pouette, on se fait pouette pouette, et puis ça y est, je souris pouette pouette, elle sourit pouette pouette, on sourit pouette pouette, on s'est compris. Alors le monsieur qui me voit fait une sale trompette. Il y en a même quelquefois plus d'un qui rouspète. Je lui fais pouette pouette, elle me fait pouette pouette, on se fait pouette pouette, et puis ça y est. Jadis on se faisait la cour avant de parler d'amour. Ça durait trop longtemps, rien que sur la pluie et le beau temps. Ce n'était que le lendemain qu'on se baisait la main. Et 15 jours après qu'on s'embrassait d'un peu plus près. Moi quand une femme m'invite, j'y vais beaucoup plus vite. Mon regard, sans retard, lui flanque un coup de poignard. Je lis au fond de ses yeux, j'en dis pas plus, ça vaut bien mieux. Je lui fais, pouette pouette, elle me fait pouette pouette, on se fait pouette pouette, et puis je souris pouette pouette, elle sourit pouette pouette, on sourit pouette pouette, on s'est compris. Et quand je lui ai bien chanté ma petite romance, elle dit d'un air enchanté, je voudrais qu'il recommence. Je lui refais pouette pouette, elle me refait pouette pouette, on se fait pouette pouette, et puis ça y est. C'est bien ça. Je lui fais pouette pouette, elle me fait pouette pouette, et puis ça y est. C'est vraiment commode. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. Mais jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé cela. Et quand je lui ai bien chanté ma petite romance, elle me dit d'un air enchanté, je t'acteur commence. Je lui fais t'emmerde. Depuis que t'as levé ton gros nez, je t'emmerde. Dis le temps je serai grand. Robin Bourragier. Roman Bourragier. Mais non, il y a des difficultés encore pour dire Roman. Ouais, Robin. Roman. Pourquoi Roman? Alors, il paraît que c'est grâce à Roman Polanski, qui était un ami de mon père et de ma mère, et ils ont féminisé le prénom. Et... Ouais. C'est bien, Roman. Ouais. Comme une église romane. Très contente de mon prénom. Ouais. Vous connaissez la Roman? Un petit peu, oui. Ouais. À propos de Roman romantique, Reynald au Québec nous envoie un message. Il nous envoie plusieurs textes. Hein, c'est vraiment message, hein. Indécodable. Alors, celui-ci, il est décodable. Mademoiselle, alors elle, A-I-L-E. Aux douces ailes, est-ce beau, une ville la nuit pour un fauve, une féline si divine. Et c'est Reynald, il s'appelle Gagné, donc vous avez gagné, je sais pas quoi, bah, l'estime de Roman, de toute c'est évidence. C'est très joli, très joli. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all as we live a life of ease, every one of us has all we need, sky of blue and sea of green, in our yellow submarine. Trahi ton esprit. Mon frère m'avait mis en garde, il m'avait dit, le jour où j'ai commencé la télé, il m'a dit, fais gaffe frangin, la télé c'est un outil qui décérèbre, qui va te pourrir l'esprit, ou décérébralise, je sais pas comment on dit. J'ai dit, attends, je fais gaffe, bon, il y a quand même les sirènes, toi, si tu t'entends. Mais non, j'ai eu cette leçon et je la garde en... Cador disait que ça créait l'oubli, la télévision. Ouais. Ouais. Non, j'oublie pas. Mais plus tu avances dans la vie, moins tu oublies. Ben, après, tu peux devenir nostalgique aussi. C'est peut-être ça la sagesse. Je sais pas. Moi, j'ai plein... toute ma famille a disparu, c'est une petite famille. Il y a la maison de Bourgogne qui est mon dernier résidu de vie, qui est vraiment une référence, même si les gens ne sont pas sympas. Ouais, dans le village, ils votent Front National. Ils sont, ils sont de droite. Ouais. Mais droite, je dis, le dernier étranger qu'ils ont vu, c'était en 1945, il était blanc, mais il était anglais ou américain. Arabe. Mais espagnol, portugais, c'est la même chose. Hein. Et ils n'ont pas d'emploi, c'est pas quelqu'un qui va leur prendre du travail, ils n'ont pas d'emploi. Mais que l'on ne nous dérange pas. Gardons notre calme et notre ambiance paisible, même si on est malheureux. qu'on ne vienne pas déranger. Restons petits. Ouais. Alors que le dérangement peut être absolument sain et salutaire. On remet en question. Ah, oui. On peut s'endormir dans du conformisme. Absolument. Ouais. C'est ce qui arrive souvent dans les petites lèvres. Est-ce que ça passe à la radio si je dis j'ai envie de pisser? Ça passerait bien. Mais écoute, Philippe, on se souhaite une visite à Québec. Ah ben ça, avec plaisir. Puis, écoute, là-dessus, on se quitte sur la piste. Ouais. Et puis, heureux de t'avoir. Non, mais France Inter, ça n'aurait pas passé. Hein, ça n'aurait pas passé. Le mot pisser, peut-être pas uriner. Hein. Non, pisser, dans le droit. Ouais. OK. Écoute, Philippe, merci d'être venu. Merci à toi. Puis, j'y croyais pas. Et je suis très heureux de t'avoir devant moi. Parce que je t'écoute depuis quand je serai grand. Et tu m'as fait connaître bien des gens. Ben, tant mieux. Bravo. Tant mieux. Et bonne continuation. Pourvu que ça dure. Merci. Ah, ben, ça va durer. Merci à toi. Puis, tu viendras voir le Québec, c'est beau. Ah ben oui, j'y compte bien. Ouais. Je garde tes coordonnées. Oui, je vais t'emmerder. Hein. Ben, je vais te chercher. Très sérieux. Rénal, j'arrive. Oui, ben écoute, je serai prêt. Ouais. Alors, ça marche. Tu peux aller au petit coin. Merci. Tu es bon. Merci, oui. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. My lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com. Ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldière. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.